Almenzas, nello bianco del cielo urbano, aspetto per Godot. Almenzas, nel cuore del Manuel, per fermare. Almenzas, nelle orecchie del Manuel, profumato al volutta del Genja. Almenzas, nella chitarra andalusa, petita Parigi. À chaque fois que le soleil s'élève, la lune risque de tomber. À chaque fois que le soleil s'élève, la lune risque de tomber. À chaque fois que le soleil s'élève, la lune risque de plonger dans les abîmes de l'appareil ménager tellurique. Rikitikitavi. Tata. C'est pas une majorette. Cobra. Oh, cobra majeur, cobra inversé sur l'univers. Ta prison est mineure. C'est de l'herbe. Pour vivre heureux, vivons cachés. À chaque fois que le soleil se lève, la lune risque de foirer. Risque de foirer.